Chapitre 10e. L'appartement de l'île Saint-Louis était tout en fête. On célébrait le 3e anniversaire de Bébé Langlois par un dîner solennel. Les assistants, peu nombreux, étaient triés sur le volet. C'étaient 2 ou 3 amis de Chartres, venus exprès pour la circonstance, le vieux professeur de Langlois, celui qui l'avait fait nommer à Paris, et André qui se sentait jeune comme il ne l'avait jamais été. On avait fini, de péripétie en péripétie, par arriver à la fin du dessert. Bébé avait été picoré dans toutes les assiettes, avait bu du vin muscat dans tous les verres, et accablé sous le poids des toasts répétés, avait fini par s'endormir sur les genoux de Marguerite, la tête pendante, jambes de ci, jambes de là, dans la posture d'un jeune héros vaincu dans le combat. « Il est superbe !» dit le vieux médecin en le regardant avec admiration. « Quel beau spécimen d'humanité !»« Cela donne envie de se marier, mais il est lourd, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Marguerite essayait vainement de se lever avec son précieux fardeau, trop pesant pour elle. André, son voisin, passa directement les bras sous le corps du petit garçon et l'emporta dans la pièce voisine, accompagné par les sourires bienveillants de l'assistance. « Il est né père, ce garçon-là, » dit le vieux professeur. « Il a une façon de manier les enfants. » Claire Langlois soupira. « C'est la première fois que cela lui arrive, » dit-elle. Un regard de son mari l'avertit de ne pas continuer. À quoi bon faire connaître à des étrangers la triste histoire d'André? La conversation prit un autre cours. Dans la pièce voisine, André avait déposé sur un canapé le bébé que Marguerite s'était mise en devoir de déshabiller. Doucement, avec des précautions infinies, elle enleva les petits souliers et les chaussettes qui laissèrent à nu les jolis pieds roses du dormeur. Le soleil couché remplissait le ciel de reflets cerises, et la Seine, qui coulait au bas du quai, semblait un fleuve de carmin. Un vent léger agitait les grands rideaux et portait la fraîcheur jusqu'au fond de la vaste pièce sombre. André n'avait rien à faire là, et pourtant il restait immobile devant la jeune fille et l'enfant endormi. Tout à coup, comme poussé par quelque chose de plus fort que sa volonté, il dit, sans changer le timbre de sa voix et comme s'il avait parlé à un ami, « Voici 3 ans aujourd'hui. Vous en souvenez-vous, mademoiselle ?» Le reflet du ciel entrait dans la chambre par la fenêtre entr'ouverte et colorait délicatement le visage penché de Marguerite. Il ne put savoir s'il avait rougi. « Je m'en souviens, » dit-elle de sa voix limpide qui tremblait un peu, et elle continua ses soins délicats. Vous souvenez-vous de cet autre jour dans la crypte de la cathédrale? Oh, je vous demande pardon, ajouta-t-il, en se souvenant que ce jour-là était aussi celui où la jeune fille avait pris le deuil pour sa mère. Je m'en souviens, dit-elle, sa voix tremblait un peu plus. Je vous en remercie, fit-il très bas, toujours immobile. Il hésita, ne sachant s'il devait continuer. Le soir s'assombrissait très rapidement. Le reflet rose avait disparu et André ne distinguait plus que les vêtements blancs du jeune dormeur, enlevés un à un par la main habile et prudente de la jeune fille. L'enfant resta presque nu, recouvert seulement par sa petite chemise blanche, ses membres potelés à l'abandon, sa tête blonde penchée sur une épaule. « Attendez, » dit André, « je vais le porter dans son berceau. » Il le souleva avec une tendresse infinie et le déposa dans le petit lit que Marguerite avait préparé. En sentant la fraîcheur du drap, le bébé grogna doucement, puis poussa un soupir et se rendormit. André, incliné sur lui, se releva. La jeune fille rabattit doucement la couverture, souleva les petits bras qu'elle reposa avec un soin extrême sur le drap blanc, et au lieu de reporter ses yeux sur André, debout en face d'elle, regarda vaguement dans l'espace obscur. Claire entra avec une bougie allumée. « Comment? Il est au lit, sans le réveiller? Vous êtes bien adroit, monsieur André. Je ne vous aurais pas cru capable. » Marguerite s'était doucement éloignée et sa silhouette se dessina sur un fond lumineux dans l'embrasure de la porte, restée ouverte. « Madame, » dit André, devenu tout à coup timide, « j'aime votre sœur. Je viens de m'en apercevoir tout à l'heure, de façon à n'en pouvoir douter. Je ne trouverai pas honnête de rester un instant de plus dans votre maison sans vous en informer. Je ne le lui ai pas dit, toutefois. La situation étrange où je me trouve ne me permettant pas de me conduire comme tout autre le ferait, dans les mêmes circonstances. » Il se tut. Claire restait très troublée, aussi embarrassée que s'il se fût agi d'elle-même. « Mon Dieu, » dit-elle en hésitant, « je ne sais que vous dire. Mon mari décidera. Demain, si vous voulez bien venir, vous causerez avec lui. Moi, je ne sais. Je reviendrai demain, répondit André en s'inclinant. Veuillez excuser mon brusque départ près de vos hôtes. Il sortit. Dans l'antichambre, il rencontra Marguerite qui vaquait aux soins du ménage. « Bonsoir, mademoiselle, » lui dit-il sans la regarder. « Bonsoir, monsieur, » murmura-t-elle en fixant sur lui un regard inquiet. Il était déjà dans l'escalier. Quand il fut seul, sur le quai presque désert, la fraîcheur du soir calma son agitation. Quelques vieux couples cheminaient lentement le long du fleuve, échangeant un mot de temps à autre. L'eau coulait presque noire sous les arches des ponts avec un bruit régulier. Il y avait dans toute l'atmosphère quelque chose de machinal et de routinier qui calma son inquiétude. Il se contraignit à marcher tranquillement autour de l'îlot de maison, mûrissant ses pensées, trop longtemps restées confuses au fond de son cerveau, pour qu'il pût les débrouiller en un instant d'émotion. Il aimait Marguerite depuis bien longtemps. Maintenant seulement il s'en apercevait. Ah, que ne l'avait-il su plus tôt? Le jour où il l'avait vue pour la première fois, avec l'enfant dans ses bras, à l'heure où il avait tressailli, croyant la rencontrer sur le seuil de la porte de Rose, comment n'avait-il pas compris que cette jeune fille tenait son bonheur dans ses mains? S'il l'avait deviné à cette minute décisive, s'il avait reculé, toute sa vie était changée. Heureux, paisible, honoré, il allait droit devant lui, à l'abri sinon du chagrin, au moins des orages. Et il ne l'avait pas compris. Aveuglé par son irrémédiable folie, il avait consommé le malheur de son existence. Et maintenant il se sentait pris d'une nouvelle crainte. Plus douloureuse encore que cet amer retour sur lui-même. Ce n'était pas seulement sa propre existence qui l'avait empoisonnée, c'était aussi celle de Marguerite, cet être doux et charmant, qu'il aimait par-dessus tout. Elle n'avait rien dit, rien fait qui pût lui faire croire qu'il était aimé, et cependant, il en était sûr. Il sentait que depuis longtemps, depuis toujours peut-être, elle avait pensé à lui, et lui avait voué le meilleur de son âme sans tâche. Elle avait pleuré sur lui, il en était sûr maintenant. En se rappelant avec quelle calme douceur elle avait accueilli Rose, alors que celle-ci était devenue sa femme, au souvenir de sa compassion lorsqu'il était devenu veuf, des attentions muettes et délicates dont elle l'avait entouré, il était certain qu'elle avait pleuré sur lui et pour lui. Pour avoir été pur et parfait, se dit-il plein de douloureuse tendresse pour elle à cette pensée amère. J'aurais voulu lui donner tous les bonheurs, et je ne puis lui apporter que des larmes. Il pensa soudain que, par l'aveu loyal mais imprudent qui lui était échappé, il venait de se fermer la maison Langlois. « J'aurais pu continuer à la voir, » pensa-t-il avec regret. « Et maintenant, que vais-je faire, si l'on me défend de la voir, comme c'est infaillible ?» Mais la voir, sans lui dire ce qu'il éprouvait en sa présence, était devenu impossible. Et André n'était pas homme à abuser de la confiance de ses amis pour agir de quelque façon que ce fût, dans une situation si délicate, sans leur en faire part. « Demain, » se dit-il enfin, quand sa promenade l'eut ramené devant la maison qu'habitait Marguerite, « demain, je saurai quelque chose, et si je me suis trompé, si elle ne m'aime pas. » Cette idée lui fit un mal horrible. Il aimait mieux se voir exilé de cette demeure chérie, privé de la vue de Marguerite, que de penser un instant qu'il l'aimait seul, sans être compris d'elle. S'appuyant sur le parapet du quai, il regarda les fenêtres. Celle des chambres, obscures, était fermée. Celle du salon et de la salle à manger, grande ouverte, laissait passer de la lumière et les sons d'un piano. Un instant, la vibration d'une voix aimée vint jusqu'à lui. C'était Marguerite qui chantait le vieil air dont il avait été charmé jadis. Elle songeait à lui, certainement, en chantant cette chanson vieillotte. Trop de fois, il la lui avait demandé pour qu'elle n'eût pas remarqué sa prédilection. « Cher aimé, » pensa-t-il, « soyez bénis dans la vie et l'éternité par un malheureux, dont quoi qu'il arrive, vous aurez été la lumière et la joie. » L'accord final résonna sur le piano. Une ombre s'approcha de la fenêtre, regarda un instant au dehors, puis disparut. « Je suis sûr que c'était elle, » se dit André. « Elle a songé à moi tout le temps. » Il regagna sa demeure, soucieux, mais remué pourtant jusqu'au fond de son être, par une indicible émotion. Où entrait beaucoup de joie.